vas-y. Non. J'ai une voix toute fluette, alors tout le monde saura que c'est moi, parce que tout le monde, je suis trop mignonne et tout le monde saura ça. Non? Tony, je dirais pas!